Tu penses vraiment que ça me créerait des problèmes si je disais que... Passer tes actes sans crève d'envie, avec la sac de Freddie Mercury, me faire enculer par mon patron, sous son bureau, avec les papiers et les crayons, de proposer à couper la haine des voisins, d'en profiter pour toucher le zizi du chien, de torturer maintenant ton gaz cooker, en récitant la recette des crêpes par cœur, de déféquer son feuille à son du concierge, et puis prétendre que c'est la faute du concierge, taguer SS en dans une peau sur le portail du squat d'un pote, de paver devant les passants mal à l'aise, me masturbant sur un kebab frites merguez, cultiver la haine du juif, aussi bien que je cultive des roses bif. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quoi, ça se cultive pas le rose bif. Eh ouais, bah excuse-moi, mais les juifs ça pousse pas sur les orangers non plus, hein. Et puis sinon, on la ferait du juif d'orange. J'ai ce qu'il y a des fois, j'ai des envies déplacées. Non pas que j'y crois, mais... J'ai ce qu'il y a des fois, j'ai des envies déplacées. Non pas que j'y crois, mais ça peut te faire chier. Tout le plaisir est pour moi. Tout le plaisir est pour moi. Ça peut te faire chier. Tout le plaisir est pour moi. Tout le plaisir est pour moi. Ça peut te faire chier. Ça peut te faire chier. Ça peut te faire chier. Il a mis un building en construction. Crier à la Akbar pour donner une raison. Aller à un mariage gay, annoncer que je m'y enfonce. Un foulard autour du cou et une chemise à bois rose. Évacuer mon surplus de sel à Artois en pissant sur un enfant mort palestinien. Monter le pen la prochaine fois et dire que je me suis trompé de putain. Arrête donc de faire la grimace sous prétexte que c'est dégueulasse. Au fond, qu'est-ce que ça peut bien faire? Tout ce que je dis, ça te passe au travers. La provocation, l'envie de te faire chier. C'est bien ta connerie qui l'accepte. Si t'en avais un peu rien à péter, tu serais pas choqué par cette merde. J'ai ce qu'il y a des fois, j'ai des envies déplacées. Non pas que j'y crois, mais... J'ai ce qu'il y a des fois, j'ai des envies déplacées. Non pas que j'y crois, mais si ça peut te faire chier. Tout le plaisir est pour moi. Tout le plaisir est pour moi. Ça peut te faire chier. Tout le plaisir est pour moi. Ça peut te faire chier. Ça peut te faire chier. Ça peut te faire chier. Entre le juif et l'orange, je sais pas trop. Et là, tu me fais le coup des chamallows. Non, là, ça va trop loin. Ça va trop loin. Faut que tu arrêtes. Tu vas trop loin.